Chapitre 7. Après 3 jours de vent contraire, nous avons enfin rencontré le grand Alizé. Lorsque le matin du 4e jour, je montai sur le pont, après une bonne nuit, abstraction faite de mon genou, dont je continuais à souffrir, je vis le fantôme filer à grande allure, toute voile dehors, sauf les phoques, sous une brise fraîche qui soufflait en poupe. C'était merveilleux. Toute la journée et toute la nuit suivante, le lendemain et le surlendemain, puis jour après jour, nous filâmes avec le vent en poupe, un vent puissant, fort, sans excès, et qui soufflait régulièrement. La goélette naviguait toute seule. Plus d'écoute et de poulies à manœuvrer. Il suffisait de tenir la barre. 10 nœuds, 11 nœuds, 12 nœuds. Telle était notre vitesse en moyenne. Entre l'aurore et le crépuscule, grâce à ce vent idéal, nous abattons nos 250 miles. Je suis gai et triste à la fois en songeant à la rapidité avec laquelle nous nous éloignons de San Francisco, faisant route entre les tropiques. Chaque jour, la chaleur augmente un peu plus. Au second quart, de 4 à 8 heures, les matelots montent sur le pont, se déshabillent et se lancent mutuellement des seaux d'eau. Nous commençons à voir des poissons volants, et durant la nuit, les hommes de service courent à la poursuite de ceux qui tombent sur le pont. Au matin, Thomas Mugridge, qui a dûment reçu son pourboire, les fait cuire en extra, et la cuisine s'emplit d'une bonne odeur de friture. Une autre variété au menu coutumier est apportée par les dauphins chaque fois que, de l'extrémité du mât de Beaupré, Johnson a réussi à harponner une de ces bêtes splendides. Johnson est le plus heureux des hommes. Il ne quitte son affût que pour grimper sur les barres de misaine, d'où il regarde courir le fantôme sous la pression des voiles. Il en a presque les larmes dans les yeux d'admiration. Il contemple, extasié, la toile qui se gonfle, le soulèvement rythmé du navire, sur les montagnes liquides qui nous accompagnent en procession imposante, et le blanc sillage écumeux que nous laissons derrière nous. En dépit de mon travail, qui m'éreinte et ne me laisse que peu de loisirs, je vole de rares instants à la surveillance du coq, afin de savourer la gloire infinie de ce qui m'environne et dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Au-dessus de moi, le ciel est d'un bleu admirable, et tout aussi bleu est la mer qui, sous l'étrave qui la déchire, est pareille à un satin azuré resplendissant. Tout autour de nous, l'horizon est légèrement pâle. Quelques nuages floconneux, immobiles et toujours semblables à eux-mêmes, sont comme un enchâssement argenté dans ce ciel de turquoise. Je me souviens d'une nuit où, au lieu de m'endormir dans ma couchette, je m'étais allongé sur l'avant pour regarder, au-dessus de moi, le spectral tourbillon d'écume que rejetait de droite et de gauche l'étrave du fantôme. Le bruit de l'eau était pareil au gazouillis d'un ruisselet sur les pierres moussues au fond d'un vallon vert, et la douce et monotone chanson m'emportait loin, bien loin de moi-même. Je n'étais plus Hump, le mousse, ni Van Weyden, qui avait passé 35 ans de sa vie à rêver parmi les livres, mais un personnage quasiment irréel, quand j'entendis derrière moi une voix qui parlait. C'était, sans erreur possible, celle de Lou Larsen, pleine, forte et large, mais dont le timbre était singulièrement adouci. Elle déclamait. Nuit tropicale et caressante, où sur la mer bondissant, notre navire au front puissant trace une frange éblouissante. Sur la route qu'il s'est frayée, quelquefois le regard rêveur voit flamboyer une lueur. C'est une baleine effrayée. Puis quand vient l'aube, la rosée, sous l'éclat du soleil, fusant de biais au ciel vermeil, sur les cordages s'est posée. Et sur l'immense piste verte, à pleine voile en long remous, nous cinglons toujours devant nous, sur la piste immense et déserte. « Eh bien, Hump, qu'en dites-vous ? » me demanda Lou Larsen après un instant de silence, qui suivit la chute de la dernière strophe. Je le regardais. Il ne semblait pas que ce fût le même homme. Son visage rayonnait, comme la mer, d'une douce lumière et ses yeux brillaient au reflet des étoiles. « Je m'étonne de trouver en vous un tel enthousiasme, » répondis-je. « C'est tout ce que je peux dire. »« Pourquoi ? Pour moi, c'est ça, la vie. » Je ripostai en faisant la moue. « La vie, selon vous, est sans valeur. » Il éclata de rire, et pour la première fois, je le vis s'abandonner à une franche gaieté. « Décidément, vous n'y comprenez rien, » s'écria-t-il. « Non, la vie en elle-même n'est rien. C'est l'imagination de l'homme qui lui donne tout son mérite. Et c'est pourquoi, en ce moment, elle est extraordinaire pour moi. » Oui, devant cette belle nuit, une étrange exaltation m'envahit. Il me semble que l'univers est à moi, que je vois clair dans la vérité et dans la justice, dans le bien et le mal, et je pourrais presque croire en Dieu. Mais son visage s'assombrit alors que sa voix se faisait plus rauque. La cause de cette exaltation est purement matérielle. La tiédeur de l'atmosphère, un estomac bien garni et une bonne digestion, voilà ce qui met en effervescence le ferment vital que je suis et fait pétiller mon sang comme du champagne. Et demain ? Eh bien demain, comme l'ivrogne qui a cuvé son vin, je paierai en retombant à plat dans la réalité cet instant d'ivresse. Puis le jour où je mourrai, ce sera sur mer, très vraisemblablement. Je m'en irai au fond de l'eau, pour rire et servir de pâture aux bouches qui me guettent. Ma vie et mes muscles redeviendront existence et force dans la nageoire, dans l'écaille et les boyaux des poissons. Le champagne, en ce qui me concerne, aura cessé de pétiller pour devenir une boisson insipide. » Et Loularsen me quitta aussi soudainement qu'il était venu. Je le vis quelques instants après qui arpentait le pont avec la souplesse d'un tigre. Le fantôme continuait à labourer sa route et le gazouillis de l'eau que fendait son étrave se fit plus grave. Ce bruit régulier me berçait comme un ronronnement et j'en oubliais peu à peu la vision de Loularsen s'exaltant aux plus hautes sphères de l'idéal. Alors une autre voix s'éleva sur le navire, une voix de ténor qui ne manquait pas d'harmonie. C'était celle d'un matelot qui chantait le chant des Alizés. « Je suis le vent loyal et sûr, le vent tenace, dont les matelots suivent la trace dans l'azur. Je souffle le jour et la nuit, sous la lune pâle qui luit, sous le soleil et sous l'étoile, je tends la toile. »